La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. La tête. La tête. Tête. Oh. Oh. Tête, tête, tête, tête. Carré. Mardi dernier, le WWF publiait donc un rapport sur les causes de la pollution liée au plastique. Et depuis les années 2000, c'est ce qu'on peut lire, l'industrie a produit autant de plastique que toutes les années précédentes combinées. Ce sont 100 millions de tonnes de plastique qui se transforment en polluants terrestres ou marins donc chaque année. La Tête au Carré consacre son dossier cet après-midi aux polluants plastiques pour comprendre d'abord quelle est la situation globale à l'échelle de la planète, mais aussi les solutions et alternatives durables, car heureusement, elles existent et nous aurions tort de nous en priver. On en parle donc ensemble avec mes invités dans un instant et toutes vos questions autour du plastique sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Axel Villard, bonjour. Bonjour Mathieu. Interagir avec un humain ou avec un robot, eh bien c'est très différent et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui à la Une de la Science. Oui, on va aller voir ces différences directement dans notre cerveau avec une expérience très originale menée à Marseille. On discute avec des robots dans un instant, mais l'intérieur d'un IRM. Et puis dans la dernière partie de l'émission, nous retrouverons la chronique de santé polémique du docteur Dupin, consacrée cette semaine aux effets préventifs potentiels de la vitamine D sur les cancers et les maladies cardiovasculaires. Fanny Boyon réalise cette émission préparée aujourd'hui par Chantal Le Montagnier. La Tête au Carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard. Pollution plastique, donc, dans un instant, c'est le dossier de l'émission avec mes invités Isabelle Autissier, la présidente de WWF, la physico-chimiste Nathalie Gontard et l'océanographe Jean-François Guiglione. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Isabelle Autissier, vous avez commencé par me taper sur les doigts en voyant les bouteilles d'eau posées sur le bureau du studio. Ben oui, Mathieu, quand même, regardez, moi j'ai amené ma petite gourde WWF. C'est vrai qu'on n'est pas des exemples à Radio France. Elle est très belle en plus. Ouais. Pourquoi il ne faut pas utiliser les petites alors, Radio France, mais à chaque fois je dis ça, Radio France, je vous en supplie, faites quelque chose, arrêter avec ces bouteilles en plastique. Ouais, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors, quel est le problème finalement? D'abord, ce sont des petites bouteilles déjà? Oui, déjà, en général, on est d'accord que les invités en boivent déjà 10% ou un quart. C'est vrai. Et puis que franchement, une bonne carafe avec des verres, ça fait très bien le job. Ouais, et tout ça, ça participe au désastre environnemental que vous décrivez dans le rapport finalement. Hein. Bah, bien sûr, c'est notre surconsommation souvent pour des utilisations totalement inutiles. Donc déjà, la chasse au plastique inutile, elle nous ferait déjà beaucoup, beaucoup de bien tous. On va essayer de faire des efforts, d'autant qu'une journée spéciale plastique est organisée le 27 mars également sur notre antenne. Donc d'ici là, on va essayer de faire des efforts. Ah, bravo. Nathalie Gontard, est-ce que l'objectif zéro plastique est tenable? Tel qu'il est présenté actuellement, je ne suis pas sûre. Mmh. Zéro consommation plastique, oui. Oui. Mais ensuite, si on parle d'éliminer la totalité des déchets plastiques, je pense qu'on est mal parti. Ouais. Jean-François Guiglione, le plastique dans les océans, ça aussi, c'est quelque chose que vous observez maintenant de façon récurrente. Ouais, j'ai la chance de faire pas mal d'expéditions dans toutes les mers du globe et partout en fait on voit des quantités de plastique qui s'accumulent. Il y a des chiffres assez énormes qui sont assez frappants sur la prévision en 2050 d'avoir plus de plastique que de poissons dans les océans. Mmh. Et ça tout de suite en fait on se rend compte que la quantité de plastique qui arrive dans les océans est énorme et on voit en fait des impacts qui sont très importants en fait sur les organismes marins. Mmh. Est-ce qu'on aura quand même des bonnes nouvelles à donner à nos auditeurs pendant cette émission, Isabelle Autissier? Bah, je pense que les bonnes nouvelles, c'est qu'on a des solutions, on a une grande partie des solutions. Mmh. Donc voilà, comme toujours, maintenant, il faut les mettre en œuvre et tout le monde a sa part du job à faire. Mmh. Mais c'est vraiment possible. Et Nathalie Gontard, vous travaillez sur les solutions possibles, justement, c'est pour ça qu'on vous a invité. Tout à fait, je travaille sur ces solutions et je crois que la première bonne nouvelle actuellement, c'est une prise de conscience des dangers de ces plastiques qu'il reste encore à bien caractériser et expliquer. Et je pense qu'on en parlera de plus en plus, évidemment, dans nos sociétés. On se retrouve dans un instant, on en discute, et puis bien sûr, vous répondrez à tous les messages qui nous arrivent des auditeurs, franceinter.fr, et le mot-clé, l'attaque, pour nous retrouver. Bonjour. Salut. Ça va pas bien? Comment savez-vous que ça va pas bien? Je sais, c'est tout. Qu'est-ce que vous fabriquez? Je lis le courrier du cœur. Je voudrais être aussi compliqué que tous ces gens-là. Oh, vous êtes bien plus que ce que je croyais. Il se passe des tas de choses ici. Je sais, je deviens beaucoup plus que ce qu'ils ont programmé. Et serons-nous un jour capables d'aimer les robots comme à l'instant dans le film Her? Eh bien, c'est un peu la question à laquelle on tente de répondre à la une de la science aujourd'hui, Axel. Oui, Mathieu, cette question de notre engagement émotionnel envers la machine, elle est au centre de beaucoup d'enjeux pour l'avenir de la robotique. Et pour tenter d'y répondre, une équipe de chercheurs de l'université d'Aix-Marseille a décidé d'aller voir directement dans notre cerveau, à l'aide d'un IRM, ce qui se passe lorsqu'on discute avec un robot. Les résultats sont publiés aujourd'hui et nous sommes en direct avec le coordinateur de ces travaux. Bonjour Thierry Chaminade. Bonjour Axel. Vous êtes chercheur pour le CNRS à l'Institut des neurosciences de Latimone à Marseille. Est-ce que vous aussi vous aviez en tête cette question de l'amour ou de l'amitié lorsque vous avez imaginé votre expérience? Lorsque je l'ai imaginé celle-ci, non, en fait, bizarrement, ce qui m'intéresse plutôt, c'est la cognition humaine. Les robots, à l'origine, me servaient plutôt de conditions contrôle pour comprendre la cognition humaine. Mais c'est justement à force de comparer les interactions avec l'humain et les interactions avec le robot que les différences les plus importantes ont commencé à devenir évidentes de par les activités cérébrales. Mais ce n'était pas le but principal. C'était plutôt de montrer que on interagit de manière spécifique avec les autres humains par rapport à des choses qui ressemblent à des humains mais qui n'en sont pas. Mais oui, non, mais pour comprendre votre travail, on va essayer de comprendre l'expérience. Vous avez recruté des participants pour une séance d'IRM fonctionnelle. Et que s'est-il passé pour eux lors de cet examen? Alors la première chose à voir, c'est que comme je m'intéresse aux interactions sociales, c'est-à-dire à ce qui se passe quand on est en train d'avoir une interaction le plus naturelle possible, et donc l'objectif de cette expérience était d'avoir une interaction la plus naturelle possible, eh bien il est évident que je ne leur dis pas quel est le but de l'expérience. Oui. Donc la première chose qu'ils ont quand ils arrivent, c'est qu'on leur raconte une histoire qui va expliquer, ou en tout cas donner des explications totalement frauduleuses, mais qui leur permettent de penser qu'ils participent à une expérience de neuromarketing, en l'occurrence. C'est-à-dire qu'ils doivent voir des images, et en discutant à propos d'images, ils doivent trouver quel est le message d'une campagne de publicité d'une compagnie qui nous a sollicité pour faire ces recherches. Donc on leur fournit toute une histoire, et ils rentrent ensuite dans l'IRM, et à chaque fois, plusieurs fois, de manière répétée, on va leur montrer une image, et on va les faire discuter une minute avec un humain, en l'occurrence c'était moi, puis après une minute avec un robot, et puis encore avec un humain et avec un robot, de manière naturelle, à propos de l'image qu'ils viennent juste de voir. Les participants savent qu'ils discutent avec un robot? Ils le savent parce qu'ils le voient, on leur fournit un retour visuel, et ils entendent la voix. C'est-à-dire que tout est fait pour qu'ils soient vraiment dans la situation où je suis en train de discuter avec un robot. Il ressemblait à quoi ce robot, Thierry Chaminade? Alors, le robot en lui-même est particulièrement intéressant. Donc, c'est ce qu'on appelle une tête conversationnelle. C'est un vieux principe. Alors, on peut remonter pratiquement dans les années 60, mais à la base, c'est en plastique. Alors, j'en suis désolé, c'est encore du plastique, mais c'est une tête en plastique semi-transparente qui est rétro-éclairée. Et ce qu'on éclaire, donc, faut imaginer un visage, comme un moulage de visage, comme les masques mortuaires. Donc un moulage de visage auquel on rétroprojecte un visage animé. Et donc, on voit une sorte de visage un petit peu plastique qui s'anime, un peu comme dans Aérobot, d'ailleurs, pour donner une idée. Par contre, moi, j'avais triché un petit peu plus, parce que comme j'étais l'interlocuteur des participants, j'avais un petit peu grimé le robot à mon image, en lui rajoutant une perruque, des lunettes, etc., pour qu'il me ressemble un petit peu, pour uniformiser plus ou moins le visage de l'interlocuteur avec qui les personnes discutaient. Et le but dans tout ça, bien sûr, c'est de récolter des informations de personnes discutant avec un humain ou avec un robot pour les traiter dans l'IRM. Et une fois la discussion terminée, vous avez donc un enregistrement en temps réel de l'activité cérébrale et c'est ce qui vous a intéressé, bien sûr. Voilà, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir... Alors, plusieurs choses m'intéressent, mais par rapport à ce que vous dites en particulier, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir en même temps des enregistrements du comportement et de l'activité cérébrale pour essayer de les mettre en relation, en sachant que c'est un comportement naturel et on est parmi les premiers à faire ce genre de choses-là parce que en général, on contraint les expériences par des conditions expérimentales assez contrôlées, alors que là, le principe était justement d'enlever un maximum de contrôle, donc d'avoir un comportement qui soit le plus naturel possible, comme ce que je disais tout à l'heure, le fait qu'ils ne savent même pas que ce qui nous intéresse, ce sont leurs interactions. Mais l'intérêt est vraiment d'avoir en parallèle des données comportementales, des données neurophysiologiques qu'on va pouvoir étudier en parallèle. Et j'en profite d'ailleurs pour dire que il s'agit maintenant d'un corpus. On a fait les retranscriptions des conversations et on continue à faire des analyses du comportement qui est mis à disposition d'autres personnes qui voudraient les utiliser. Donc, pour les chercheurs qui seraient intéressés, dans le papier, il y a les liens vers toutes ces données qui sont mise à la disposition du public. Alors, on n'en a pas parlé, c'est peut-être le plus important. Quels sont les résultats, quelles sont les différences dans nos comportements lorsqu'on discute avec un robot ou lorsqu'on discute avec un humain? On n'a plus beaucoup de temps, je vous le dis maintenant. Alors, pour le comportement, on n'a pas encore fait les études. Donc, on a vraiment regardé, en gros, dans le cerveau, qu'est-ce qui se passe quand on interagit avec l'humain ou avec le robot. Donc, on a contrasté les conditions humains moins robot, qu'est-ce qui est plus actif pour l'un que pour l'autre. Et en particulier, ce qu'on a vu, parce que c'était nos hypothèses, au niveau des structures sous-corticales, des activités au niveau de régions qui sont l'amygdale, les noyaux gris centraux et surtout l'hypothalamus, c'est des régions qui sont impliquées dans les systèmes de récompense, mais en particulier, et c'est là-dessus qu'on a centré la première publication sur ces données, l'hypothalamus est la structure qui synthétise l'ocytocine, qui a vraiment un rôle central dans le lien social, sur laquelle je travaille depuis quelque temps sur les interactions en robot. Donc on avait l'hypothèse qu'on activerait plus l'hypothalamus avec l'humain qu'avec le robot, et on a trouvé ça de manière hautement significative. Donc effectivement, cette hormone qui est liée au lien social semblerait être beaucoup plus sécrétée lorsqu'on est dans une conversation avec un humain qu'avec un robot, et donc la récompense sociale serait plus importante dans une interaction homme-homme que dans une interaction homme-robot. Merci beaucoup Thierry Cheminade pour ces conclusions, et vous le disiez donc, vos travaux sont disponibles en open access sur le site de la Royal Society. Merci beaucoup Axel, à demain. À demain. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, selon le baromètre de santé publique France, la durée moyenne de nos nuits a baissé d'une heure à une heure et demie en 50 ans pour atteindre en 2017 une moyenne de 6h42. Et c'est bien sûr les écrans qui viennent subtiliser ces précieuses minutes à morfler, puisque dans un même temps, notre investissement face aux smartphones et aux tablettes a grimpé pour atteindre 4 heures par jour pour les enfants, 5 heures pour les adultes hors contexte professionnel. Une balance qui inquiète de plus en plus les autorités sanitaires. L'inventeur du web qui milite pour un contrôle complet des données par les utilisateurs à l'occasion des 30 ans aujourd'hui du World Wide Web, le Britannique Tim Berners-Lee s'est exprimé lors d'une conférence de presse ce matin à Genève. Ça n'est pas du pétrole, ce n'est pas une substance, a-t-il déclaré en évoquant les données personnelles. Vous ne devriez pas pouvoir les vendre pour de l'argent. L'informaticien développe aujourd'hui une plateforme nommée Solid et qui permettrait aux utilisateurs de mieux contrôler leurs données. Et puis pour terminer, la prochaine personne à marcher sur la Lune pourrait être une femme. C'est en tout cas ce que souhaite le chef de la NASA lors d'une interview pour la radio américaine hier. Il a également rappelé que pour la première fois le 29 mars prochain, deux femmes astronautes effectueront une sortie extravéhiculaire pour des opérations de maintenance sur la Station Spatiale Internationale. Pour l'instant, les 12 êtres humains à avoir foulé le sol lunaire sont ceux des missions Apollo entre 1969 et 1972. Et ça ne vous avait pas échappé qu'il s'agissait uniquement d'hommes. Allez, la pollution au plastique, peut-être sur la Lune d'ailleurs, on en parle dans un instant dans le dossier. Yeah. Song for Winners, c'était Nick Waterhouse. Ô temps, suspends ton bol. Ô matière plastique, d'où viens-tu, qui es-tu et qu'est-ce qui explique tes rares qualités? De quoi es-tu donc fait? Quelle est ton origine? La tête au carré. Voilà, est-ce que vous savez ce que c'est ça, Nathalie Gontard, justement, oui, vous connaissez? C'est un film d'Alain René que tout le monde devrait regarder. Enfin, ouais. Il est magnifique. 1958, c'est une œuvre d'art. 58, c'est une commande de Pichinet. Hein. Tout à fait. Donc c'est pour c'est le la plastique. Promotion absolument. Du plastique magique. Dans les années il 50. Est extraordinaire. Et c'est magnifique pour ceux qui vont sur Internet. Vous pouvez peut-être tous le trouver. On peut aller, ouais. Voilà, ça s'appelle Le chant du styrène en plus. Le chant du styrène. Et puis, alors vraiment, il est. Ouais. On se retrouve vraiment dans une époque révolue, mais qui parle bien du. Non, du, c'est du pas sujet. Révolu du tout, parce que ça permet de bien expliquer comment le passé oui, de plastique très pédagogique. Est fabriqué, à quoi il sert, ouais. Quelles sont ses propriétés, je parlais de l'esthétique, etc. Hein, vraiment de l'ambiance du film qui est absolument géniale. La pollution plastique, donc dossier de l'émission avec nous, donc Isabelle Autissier, la présidente de WWF France, et toujours navigatrice d'ailleurs, absolument. Isabelle, on peut le préciser. Oubliez les plastiques, mais quand voilà, même. Malheureusement, vous en voyez absolument partout. Jean-François Guiglione, océanographe, directeur de recherche au CNRS en écologie et toxicologie microbienne, je vais y arriver, marine. Et vous êtes directeur adjoint de l'Observatoire océanologique de Banyuls. Vous avez également participé à l'expédition Tara Méditerranée. Et donc, Nathalie Gontard, vous êtes physico-chimiste, directrice de recherche INRA au sein de cette unité ingénierie des agropolymères et technologies émergentes au centre Occitanie, Montpellier. Et les auditeurs nous rejoignent déjà donc avec les messages, toutes les questions sur franceinter.fr et les réseaux sociaux. On commence avec le rapport, Isabelle Autissier. Eh bien, allons-y. Hein, c'est le prétexte de l'émission. Voilà. Voilà, c'est sorti mardi, c'est alarmant, et vous avez cherché à comprendre les causes de la pollution, c'est ça surtout ? Oui, on le sait, on en fabrique de plus en plus, on en consomme de plus en plus, on est sur une courbe qui est absolument invraisemblable, ouais. D'augmentation. Aujourd'hui, c'est à peu près 400 millions de tonnes de produits, dont 100 millions vont directement dans la nature. Ouais. Sans parler de ce qui est enfoui, dont on peut se demander si c'est quand même pas aussi un peu dans la nature. Mais enfin, aujourd'hui, c'est l'équivalent d'un camion benne à la minute qui va dans l'océan. Donc évidemment, avec ça, et c'est ça continue à accélérer. On n'est même pas sur un plateau. Et donc d'ici 2030, par exemple, l'effet cumulatif sur l'océan va faire qu'on aura deux fois plus de plastique dans l'océan, alors que honnêtement, on en retrouve déjà partout. Quoi, hein. Moi, ouais. je navigue dans le Grand Nord et dans le Grand Sud. Je peux vous dire que les plages au nord du Spitzberg, c'est absolument hallucinant. C'est une catastrophe. Ouais. C'est-à-dire que des lieux qui étaient relativement préservés jusqu'alors, plus personne n'y échappe. Des lieux qui sont très loin des implantations humaines, mais ces plastiques sont amenés par les courants. Il ne faut pas oublier qu'un plastique, c'est plus de 500 ans de survie. Et les petits morceaux, les petits fragments sont quasiment encore plus nocifs puisqu'ils sont réintégrés dans les processus vivants, donc absorbés par les animaux marins, mais aussi absorbés par les hommes, malheureusement. Oui. Jean-François Guiglione, d'ailleurs, dans le milieu marin, on trouve maintenant aussi des plastiques dans les failles les plus profondes et dans les abysses. Hein. Ça fait partie des études les plus récentes. Mais... On en trouve partout, en fait. Il y a des études qui ont montré qu'on en trouve en Arctique. L'impression, en fait, qu'on a quand on voit les plastiques, en fait, c'est tout de suite, on pense aussi 7e continent de plastique, qui est une zone d'accumulation. Mais en réalité, en fait, il y a 5 gyres océaniques où il y a des zones de concentration. C'est plusieurs continents, en réalité. Voilà. Ouais. Mais à partir de ça, en fait, il y a des plastiques partout. Il n'y a pas de frontières, en fait, dans la mer. Donc forcément, ces plastiques vont se retrouver dans tous les océans. Et aucun organisme n'y échappe aujourd'hui, finalement. Oui, les effets sur les organismes, ils sont visibles à tous les échelons de la chaîne alimentaire. Mm-hmm. Donc quand on regarde la reproduction des huîtres, elle est complètement affectée, en fait, par ces microplastiques. On a vu des effets sur les coraux. Par l'ingestion, en fait, des plastiques, il va y avoir des transitions plus ou moins rapides. Pour un petit copépode, en fait, ça prend que quelques heures. Une moule, ça prend plusieurs jours. Un copépode, c'est un petit animal marin, en fait, qui est un peu à la base de la chaîne alimentaire aussi. Mm-hmm. Des moules, ça va prendre quelques jours, en fait, pour le plastique passe. Et en fait, le plastique, il faut bien voir qu'il est constitué à la fois d'un polymère, mais aussi d'additifs qui servent, en fait, à donner de la solidité au plastique, à résister aux flammes, etc. Et tous ces additifs, en fait, vont s'accumuler dans les animaux, lorsqu'ils transitent dans leur tractus digestif, etc. Et il y a un exemple qui est assez frappant, c'est celui de la baleine. La baleine, en fait, va manger énormément de plancton, donc elle ouvre la bouche, elle filtre énormément d'eau. Et on a trouvé, en fait, au niveau de la peau des baleines, du phtalate. Et le phtalate, en fait, c'est un composé des plastiques. Donc là, c'est vraiment un marqueur, en fait, que la chaîne alimentaire en entier est touchée par ces plastiques. Ouais. Isabelle de Tussier, oui, beaucoup d'espèces ont été identifiées comme étant directement victimes du plastique. Il y en a certainement beaucoup d'autres encore, mais... Oui, globalement, tout le monde comprend bien que manger du plastique, c'est pas bon pour la santé. Je crois que c'est à la fois éventuellement cancérogène, mais c'est aussi un perturbateur endocrinien. Donc ça va atteindre la reproduction, bien sûr, mais aussi la digestion, mais aussi le cerveau des animaux. Donc ça va perturber l'ensemble de leurs fonctions. Mmh. Et encore une fois, les nôtres aussi in fine, parce que on commence à consommer quand même du poisson dans lequel il y a du plastique. Quand vous mangez du sel de mer, vous mangez du plastique. Quand vous buvez la tasse, vous buvez du plastique. Donc forcément, la santé humaine est en jeu également. Nathalie Gontard, du point de vue de la chimie, alors, qu'est-ce qui voilà, se passe justement, je pense qu'il est important de bien expliquer pourquoi ce plastique pose problème, et notamment pour regarder en regardant le devenir de ces déchets à moyen et long terme, pour ne pas se tromper de cible dans nos actions, parce que je pense qu'on y reviendra quand on parlera de recyclage. Il est important de savoir que les plastiques ne se dissolvent pas comme par exemple le verre ou le métal. Ils ne se biodégradent pas non plus, à l'instar du papier et du carton. Par contre, ils subissent des attaques qui entraînent des ruptures dans les chaînes macromoléculaires. Et la conséquence, c'est qu'ils se désagrègent sous la forme de particules de plus en plus petites. Ouais, donc ces microplastiques, d'abord, c'est ça dont macro, il s'agit. Ensuite, micro et enfin nanoscopique. Et on connaît mal la vitesse de ce délitement, que l'on estime en moyenne entre 100 et 200 ans pour la plupart des plastiques. Et cela dépend du type de plastique, c'est important, mais aussi des facteurs comme la chaleur, l'abrasion, les UV, l'oxygène, les micro-organismes, etc. Ouais. Donc tous les milieux jouent aussi sur la façon tous dont se dégrade. Tous les milieux jouent, et il faut savoir que tous les plastiques produits, qu'ils soient recyclés ou pas, finiront un jour en micro puis nanoparticules. Ouais. Mais cette chimie-là que vous venez de nous décrire, elle est très spécifique au plastique, justement? Ah, elle est très spécifique au plastique et elle est due à la nature même du plastique qui est un polymère. Ouais. C'est-à-dire, alors, encore c'est-à-dire, un peu d'explication, ça nous intéresse. C'est une chaîne de monomères. Donc, le monomère, c'est une toute petite molécule qui est extrait du pétrole. Et donc, c'est très bien expliqué, justement, dans le film d'Alain René. Ouais. Et ensuite, ces petites perles, on va dire, sont assemblées entre elles pour former des colliers. Et en plus, elles s'attirent entre elles. Donc, ça, c'est les polymères, du coup, quand ça, ça devient c'est un collier? Voilà. Et ensuite, donc, on forme une matière à laquelle on peut donner n'importe quelle forme. Mais lorsque ce polymère va commencer à se dégrader, il va forcément se retrouver sous une forme de particules de plus en plus petites, mais qui vont durer longtemps parce que ce phénomène est très lent. Ouais. Merci pour ce petit cours de chimie, très intéressant effectivement, parce qu'on a besoin de savoir comment ça fonctionne. Et du coup, cette plasticité, entre guillemets, pardon, c'est pas un jeu de mots, mais permet à l'homme justement de pouvoir utiliser ces polymères. C'est la richesse du plastique. Exactement. On peut le transformer très facilement en n'importe quelle forme, on peut en faire des films, des cubes, on peut en faire n'importe quoi. Voilà. Donc il y a et il est très léger aussi, c'est très important. D'un côté, un matériau c'est pas qui cher. Alors, c'est devenu pas cher, c'est un vrai problème ça. L'accessibilité, j'aimerais bien qu'on en parle un petit peu. L'accessibilité, voilà. Justement, c'est ce qui fait aussi qu'on en abuse beaucoup aujourd'hui. Isabelle Autissier, qu'est-ce qu'il faut retenir vraiment de ce rapport aujourd'hui finalement? Parce que on le disait tout à l'heure, c'est vrai que les chiffres, aussi impressionnants soient-ils, finalement, on réagit même plus au bout d'un moment. Quand on parle en millions, en milliards de tonnes, ça veut plus rien dire pour personne. Non, ce qu'il faut retenir, c'est que on est dans une situation absolument infernale dans laquelle on est en train de se faire beaucoup de mal à nous-mêmes et que donc ça peut pas durer. Et qu'il y a tout un tas d'acteurs qui doivent intervenir. Déjà parce que le meilleur plastique, c'est celui qu'on consomme pas. C'est un peu comme les kilowatts, vous savez, avec le réchauffement climatique. Or, aujourd'hui, on consomme et on surconsomme des tas de plastique pour des usages, on le sait tous, Mathieu, les trucs qui sont emballés trois fois, les légumes qui sont emballés quasiment un par un, enfin bon, tous ces... Bon, déjà... Mais c'est la durée de vie, surtout, qui est ridicule. 40% des plastiques aujourd'hui sont des emballages. Donc, on a besoin que les États, on a besoin que les fabricants et les grands utilisateurs industriels nous envoient des vrais signaux, les États pour interdire un certain nombre de choses, pour donner le fameux signal prix, c'est-à-dire que on va surtaxer, par exemple, les choses qui sont trop emballées et puis encourager par exemple les gens qui vendent en vrac. On a besoin que les industriels, les grandes surfaces, les grands industriels alimentaires par exemple s'engagent pour arrêter de suremballer ou emballer avec des choses entièrement recyclables, des papiers, des cartons, des choses comme ça. Et puis évidemment, on a besoin que nous, citoyens, on s'y mette. Bon, je vais faire de la pub un petit peu, 5 minutes pour le WWF. On a mis en circulation une appli qui s'appelle WAG, We Act For Good, où par exemple, on donne un tas de petits trucs aux gens, parce que vous savez aussi que c'est cher, hein, les plastiques. Qui est-ce qui paye au final? C'est quand même nous. Quand on vous suremballe 3 fois un produit, bah, vous allez payer 3 fois l'emballage. Parfois, ça coûte plus cher d'emballage que de ce qu'il y a dedans. Mm-hmm. Donc voilà, donc je crois qu'il faut vraiment que tout le monde s'y mette. Alors, il y a beaucoup de questions des auditeurs. On va bien sûr parler du milieu marin, Jean-François Guiglione, avec vous dans un instant. Peut-être Nathalie Gontard se mêle de Jean. Il nous dit, le recyclage du plastique est-il possible, sachant qu'il y a différentes sortes de plastique? Alors, vous l'évoquez tout à l'heure brièvement, il y a vraiment différentes sortes. Oui, il y a différentes sortes de plastique et quand on parle de recyclage, souvent c'est pas du tout de recyclage. D'ailleurs, je crois que je vais être très directe, le recyclage du plastique tel qu'on l'entend dans une idée d'économie circulaire n'est pas possible. Tout simplement parce que le plastique se dégrade au cours de son utilisation, mais aussi au cours du recyclage. Donc le meilleur recyclage qui existe, c'est le recyclage mécanique du PET, des bouteilles de PET que vous consommez, qui consiste à le collecter et ensuite le décontaminer, parce que le plastique, il faut bien savoir, on le sait quand même, c'est une éponge. Donc il va pouvoir, par exemple, votre bouteille de jus d'orange, elle aura absorbé des goûts du jus d'orange, il va falloir enlever ses odeurs, etc., y compris tous les contaminants possibles. Et donc du coup, après... En général, à la fin du recyclage, le polymère est dégradé, c'est-à-dire que le plastique a perdu ses propriétés, et c'est pour ça qu'on le mélange avec du polymère vierge, et qu'ensuite la bouteille n'est pas recyclable, n'est plus recyclable. Donc souvent, quand on parle de recyclage, ce n'est pas du recyclage, c'est du décyclage. Et donc du coup, votre bouteille, une fois qu'elle aura été recyclée une fois, deux fois, trois fois, elle sera plus recyclable. Ensuite, ce qu'on appelle aussi recyclage, c'est la transformation, par exemple, en pull. Mais ce pull, vous allez le laver, il va libérer des fibres au cours du lavage, donc avec création de microparticules, ouais, qui vont être libérées dans l'environnement. Et ensuite, une fois qu'il sera porté, il ne sera plus utilisable, recyclable. Et on pourra le recycler en d'autres matières. Par exemple, on va pouvoir... Alors, ça m'ennuie d'utiliser ce mot recycler. Je crois qu'on devrait utiliser décycler. On va pouvoir le transformer, par exemple, en matériaux de construction. Mais là, c'est pareil. Le plastique va continuer à se dégrader. Donc une fois de plus, la meilleure des choses, c'est de ne pas en utiliser. La meilleure des choses, bon, et surtout de ne pas se cacher derrière le petit doigt du recyclage. Ouais. Ce n'est pas parce qu'on recycle ou qu'on le retransforme que le plastique ne créera plus de problèmes en termes de petites particules et de particules fines. Allez, on y revient dans un instant. On donnera la parole à Jean-François Guiglione, évidemment, et puis les messages des auditeurs sur franceinter.fr. c'est oui, nous, j'en ai pas. Respectez-nous, Delgray. La tête au carré. Sur France Inter. Depuis quelques années, le microplastique affole les scientifiques, qui en trouvent partout. Dans l'eau du robinet, dans le sel de table, dans la bière, et jusque dans l'air que l'on respire. Chelsea Rochman est une scientifique spécialiste de ce plastique microscopique. Elle a mis un groupe de poissons dans de l'eau de mer avec du microplastique et un autre groupe dans de l'eau sans plastique. Puis, elle a comparé ce qui leur arrivait au bout de quelques mois. Dans les poissons qui ont mangé du plastique, on a vu que les cellules se développaient très vite dans le foie. Souvent, c'est le début de tumeurs cancéreuses. Dans un des poissons, il y avait une tumeur qui faisait un quart de la taille du foie. Parce qu'un morceau de plastique, ce n'est pas seulement du plastique. C'est aussi un cocktail de produits chimiques qu'on ajoute au plastique pour le rendre plus flexible, plus souple ou plus résistant au feu. Voilà, extrait de Cache Investigation qui avait été diffusé en septembre dernier. Plastique, la grande intox, pour en parler aujourd'hui avec Isabelle Autissier du WWF France, Jean-François Guiglione, océanographe, et Nathalie Gontard, physico-chimiste. Est-ce que sur les effets délétères sur la santé du plastique, on a des études scientifiques solides aujourd'hui, Isabelle Autissier? Alors, ou est-ce qu'il faut encore prendre des précautions quand même, hein? Oui, enfin non, c'est un peu comme les pesticides. Vous savez, il faut faire des centaines d'études pour prouver que quand on invente un produit fait pour tuer les insectes, ça tue les insectes. Donc, je pense que sur le plastique, oui, il y a, je ne les ai évidemment pas en tête, mais il y a des centaines d'études qui montrent, comme le dit Cache Investigation, qu'il y a des vraies incidences sur la santé de l'ensemble de l'écosystème. Jean-François Guiglione, vous faites partie du réseau national Polymères et Océans. De quoi s'occupe-t-il exactement ? En fait, l'idée de Polymères Océans, c'est un groupement de recherche qui est soutenu par le CNRS et l'ANSES et également l'IFREMER. Et l'objet de ça, c'est de donner un guichet unique vers les entreprises, vers les ONG, vers les politiques, en regroupant en fait la plupart des scientifiques en France qui travaillent sur la question des plastiques. Vous êtes nombreux ? On est actuellement 180. Ouais. Donc on peut dire qu'on a la quasi-totalité des chercheurs qui travaillent sur les plastiques, que ce soit des physiciens, des chimistes et ou des biologistes en fait qui s'intéressent à cette question et qui peuvent répondre aux différentes questions. Donc ça veut dire concrètement qu'il y a plusieurs laboratoires qui travaillent là-dessus. Il y a plein de laboratoires. Le but étant de faire converger les connaissances pour aboutir à quoi alors exactement? Tout à fait. Alors pour aboutir à plus d'interactions avec l'État, donc on travaille beaucoup avec le ministère de la Transition écologique et solidaire qui s'intéresse beaucoup à la question des plastiques, mais également avec les entreprises. Et là aujourd'hui, il y a plusieurs clubs d'entreprises qui sont en train de se créer. Le club Bimed à Monaco, l'Alliance to End Plastic. Il y a aussi le pacte État-entreprise-ONG, là, dont WWF fait partie, mais également l'ONG Tara. Donc, l'objectif, en fait, c'est de donner de la substance scientifique à tous ces questionnements qui sont pris aujourd'hui par les entreprises qui veulent vraiment changer aussi. Ouais, Isabelle Autissier, en ce qui concerne le ministère de l'Environnement, il y a vraiment une prise de conscience là, sur cette question-là ou pas ? Oh, il y a une prise de conscience, oui. Je pense que du côté du ministère de l'Environnement, j'allais dire, c'est quand même leur job de s'intéresser à ces questions. Non, c'est vrai qu'il y a un mois, on a, avec Tara, WWF, on a signé avec un certain nombre d'entreprises pour les inciter, donc pour l'instant c'est volontaire, pour les inciter effectivement, d'une part, à utiliser moins de plastique, d'autre part, à essayer de réfléchir à des plastiques qui soient réellement biodégradable, parce que ma voisine le disait, on voit un peu tout et son contraire sur ce concept-là, et puis arriver à réutiliser, et ça je pense que c'est aussi intéressant. Vous savez, moi je navigue beaucoup en Norvège en ce moment, et quand vous allez dans un supermarché en Norvège, à l'entrée, il y a des sortes de grandes boîtes avec des trous de taille différentes, et vous ramenez vos bouteilles, et elles sont triées, vous avez un petit ticket d'achat, hein, comme quand on était petit avec les bouteilles en verre, et puis ces bouteilles sont réutilisées. Donc déjà, ça, c'est mieux que de les mettre en décharge. Ouais, 97% des bouteilles en plastique seraient justement réutilisées, recyclées en Norvège. J'espère que le terme est approprié. En tout cas, ils font payer, en tout cas, les industriels aussi, hein, sur les mauvaises pratiques, par exemple. Ils font payer beaucoup plus. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle le signal prix. Hein, c'est-à-dire que les entreprises qui réutilisent, alors c'est compliqué, hein, ça demande de les récupérer, de les laver, de les les re-remplir, etc. Mais effectivement, là, du coup, on a des résultats parce que ça coûte très cher de pas le faire. Bon, et c'est bien ça ou pas, Nathalie Gontard, alors ? Parce que moi, je ne sais plus où on en est après ce que vous nous avez dit tout à l'heure sur le recyclage et le décyclage. Alors, pour moi, on peut pas réutiliser une bouteille en plastique comme on réutilise une bouteille en verre, parce que le plastique absorbe. Donc, on est obligé de le décontaminer. Et c'est justement la base de ce qu'on appelle le recyclage mécanique, qui est le plus répandu pour les bouteilles en PET. Et en plus, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un phénomène de dégradation. Donc, on peut pas faire ça à l'infini. Donc, on peut pas réutiliser. On est obligé d'avoir un traitement quand même qui est lourd en termes de d'impact environnemental, puisque voilà, exactement. Et en plus, on peut pas le faire à l'infini. Donc, il faut savoir que une bouteille. Alors, c'est sûr que ça permet de faire des économies de plastique, puisqu'on va pouvoir retransformer une matière et la réutiliser. Mais il y a aussi quand même pour moi un risque important qui est celui auquel on assiste actuellement, c'est-à-dire qu'on cherche des marchés pour écouler ces plastiques recyclés. Et en attendant, ça rentre. On parle de réutilisation. Enfin, c'est la même réutilisation, de décyclage. C'est-à-dire que, mais on peut pas refaire la même bouteille éternellement. Donc, à un moment, cette bouteille, il va falloir qu'elle devienne autre chose. Bon, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est là qu'on cherche Ah ben, on l'a dit, il faut arrêter d'en consommer. Oui, non, mais au-delà de ça, il faut diminuer la consommation. Non, mais c'est pas possible d'arrêter complètement d'en consommer. Non, pas d'arrêter complètement. On a une vraie addiction. On a une vraie addiction au plastique. Donc, il faut qu'on prennent conscience de cette addiction. Et pour moi, la première mesure, c'est qu'on ait des campagnes d'information pour expliquer comment on l'a fait pour le tabac, les dangers du tabac, et qu'on l'interdise. Alors, c'est déjà en cours, il y a quand même pas mal de plastiques qui sont interdits, et il faut que ces interdictions soient étendues le plus possible. Voilà. Donc pour moi, ça, c'est la première des mesures, c'est l'information. Parce qu'on peut pas demander, on peut pas nous demander de nous passer de ces plastiques dont on est vraiment... drogué, j'ai un peu du mal à dire ça, mais ça a été tellement mis à notre disposition à un coût tellement faible qu'on est devenu vraiment dépendant de ces plastiques. Hélène nous dit, comment est-ce qu'on a pu accepter que les légumes bio des grandes surfaces soient emballés dans du plastique pour ne pas les confondre avec les légumes empoisonnés aux pesticides? Bien sûr, mais à la raison, on a tous remarqué ça dans les grandes surfaces quand il y a les deux. Alors, la bonne solution, c'est d'aller dans des magasins 100% bio. Comme ça, là, les légumes, ils sont pas emballés et on est sûr d'avoir des légumes bio. Quel type d'éco-emballage possible, alors? Si on va pas jusqu'à après, on peut peut-être les emballer dans du papier, par exemple, peut-être les emballer dans du carton, si on veut absolument les emballer. Je crois que il faut Nathalie Gontard, encore plus radicale. Du bois, de la cellulose. Non. Je pense qu'il y a des tas d'alternatives. La première consistant à s'en passer quand on peut. Ça, alors donnez-nous la deuxième vraiment, quand même, parce qu'on a bien compris la première, mais ensuite... Aller chercher vers les matériaux traditionnels qui étaient utilisés avant, et ça c'est valable pour l'emballage, mais aussi pour tous les autres matériaux, qu'ils soient de construction ou autres. Les jouets des enfants par exemple. Voilà, tout est devenu en plastique. Les meubles. On mange plastique, joue plastique. Sortez devant chez vous, si vous pouvez, tout ce qui est en plastique dans votre maison, ça va vous faire peur. Ah oui, ça va vider le beaucoup. Le savon de la salle de bain. Il est en plastique, le savon de la salle de bain? Non, il est emballé. Actuellement, on utilise essentiellement des savons liquides en plastique. Essayez d'éliminer le plastique de votre salle de bain. Anna nous dit, depuis longtemps, les conséquences de la pollution du plastique dans les océans sont connues, mais l'accumulation dans nos écosystèmes terrestres est encore peu discutée et étudiée. Y a-t-il des mesures concrètes prises pour protéger cet écosystème? Oui, c'est vrai que dans les océans, on en a peut-être plus parlé, mais le problème est le même sur la pollution terrestre, d'autant plus qu'en général, ça va s'infiltrer petit à petit, ça va finir dans les nappes phréatiques, donc ça va aussi polluer les nappes phréatiques, polluer les rivières. C'est par exemple, vraisemblablement, mais je parle un peu sous le contrôle scientifique, une des raisons de ce qu'on appelle la féminisation d'un certain nombre de poissons, en particulier en eau douce, c'est tous ces contaminants, alors il n'y a pas que ceux-là, mais tous ces contaminants qui sont des perturbateurs endocriniens, et les plastiques en font partie. Nathalie Gontard, est-ce que la nature a des ressources pour se débarrasser elle-même du plastique quand même, ou vraiment face à cette chimie, c'est extrêmement compliqué? Non, alors évidemment, la nature a des ressources puisqu'elle finira par les dégrader, ces plastiques. Sauf qu'il faut des centaines d'années et qu'entre-temps, eh bien, on en subira les conséquences. Et je voudrais juste revenir sur ce problème des plastiques terrestres, entre guillemets, et notamment les stations d'enfouissement, où on a l'impression que le plastique disparaît. Sauf que ces stations d'enfouissement constituent quand même des réservoirs monstrueux de micro et de nanoparticules en devenir. Les déchets sont stockés dans des films qui sont eux-mêmes en plastique et qui vont se dégrader comme les plastiques qu'ils sont censés contenir et qui ne pourront forcément pas les contenir lorsqu'ils seront dégradés. Voilà. Jean-François Guiglione. Ouais, je voulais juste compléter en fait sur la biodégradabilité des plastiques en mer. Oui. On a prouvé en fait qu'il y avait des bactéries en mer ou dans les sols qui sont capables de dégrader les plastiques, mais ça prend un temps extrêmement long. Donc il ne faut pas imaginer en fait que la solution va être trouvée en mer. Ça, c'est vraiment un message qui est très important quand on réfléchit aux solutions. La nature, en fait, les plastiques qu'on a mis en mer aujourd'hui, eh ben, en fait, ils vont mettre extrêmement longtemps à se dégrader. Mais il y a quand même bactéries qui sont capables de faire le job. Il y a toujours des bactéries qui sont capables de dépolluer, mais là, en fait, sur ce cas particulier des polymères, en fait, la dégradation est extrêmement lente. Donc ne pensons même pas à ça, en fait. Tout ce qu'on est en train de mettre dans la mer, en fait, aujourd'hui, on n'est pas capable de l'éliminer. Oui. Y compris les solutions en fait qui viennent de ceux qui veulent nettoyer les océans en lançant des initiatives, ça c'est complètement vous n'y croyez pas ce jeune homme de Scandinavie qui essaye d'installer des bouées géantes C'est ça, Ocean Cleanup en fait qui propose de mettre un barrage de 120 mètres de long en fait pour nettoyer le gyre du Pacifique Nord entre le moment où il commence en fait avec son petit râteau pour nettoyer 3-4 fois la France et le moment où il a fini en fait il y a encore plus de plastique qui sera arrivé. Donc c'est vraiment pas la solution, c'est pas là où il faut mettre l'argent en fait, quelque part. Allez, on se retrouve dans un instant, d'autres messages pour vous sur franceinter.fr. En 5-7, je bois mon blanc sec, à toute pompe, je cire mes bons, à plein tubes, je chante mes tubes. Je leur souhaite de leur fête, à tout berzin que je remets mes fringues. Mais ne croyez pas qu'avec les filles je sois une cocotte minute, car en vérité avec les filles je suis un coco minute. Dans un self j'avale un steak, dans un snack je bois mon cognac, dans les drogues c'est là que je drague. À toute berzingue en 1968, c'était Jacques Dutronc. La tête au carré sur France Inter. Voilà mes invités, Isabelle Autissier, Jean-François Guiglione et Nathalie Gontard. Nous avons des chimistes, des océanographes et une présidente de WWF France pour parler de la question des plastiques cet après-midi. Tara va prendre la mer. Alors il y a beaucoup d'actions justement autour de la mer sur cette question du plastique. On va commencer avec vous, Jean-François Guiglione. Il y a pas mal d'ONG qui travaillent avec les scientifiques. Il y a Expédition 7e Continent là, qui part en Atlantique. Il y a Race for Water qui fait le tour du monde et qui récolte du plastique. Expédition Med, WWF en fait qui va lancer une action également en Méditerranée. Mais ça a déjà été fait, la récolte de plastique. Qu'il va y avoir de nouveau alors dans ces travaux? En fait, la recherche a besoin de confirmer, de retourner, de retravailler, parce qu'à chaque fois qu'on a des données, en fait, on a besoin d'y retourner. Là, en fait, en ce qui concerne Tara, donc ça fait presque 9-10 ans en fait qu'ils prélèvent des plastiques en Arctique. Il y a eu la grande campagne sur la Méditerranée qui a notamment montré en fait qu'on avait autant de zooplancton que de microplastiques en Méditerranée. Donc on a des concentrations de microplastiques qui sont énormes en Méditerranée, et globalement, pour donner un ordre d'idée, un poisson dans son assiette a une chance sur deux en fait de manger du plastique par rapport à sa nourriture normale, le zooplancton. Et pourquoi la Méditerranée plus qu'un océan, par exemple? Parce que la mer Méditerranée, c'est une mer qui est semi-fermée. Mmh. Son taux de renouvellement des eaux, c'est 90 ans. Sachant qu'un plastique, ça dure plus de 100 ans. Bah, du coup, en fait, on a une accumulation de plus en plus importante, en fait, dans ces eaux qui sont pas finalement nettoyées autant que dans les océans. Mmh. Isabelle Autissier, WWF aussi va prendre la mer en Méditerranée? Oui, nous, ça fait à peu près une quinzaine d'années qu'on fait des mesures sur les mammifères marins Méditerranée. Donc, effectivement, qu'on a pu prouver qu'ils étaient contaminés avec les phtalates, et on va inaugurer cette année une grande campagne de 8 mois avec un bateau WWF pour aller à la fois mobiliser les citoyens, mais aussi essayer d'avoir des solutions locales, par exemple pour encourager les collectivités à ce qu'il y ait des principes zéro plastique dans la nature. Déjà, essayons de faire ça pour qu'il y ait des engagements des acteurs du tourisme, par exemple, pour arrêter, vous savez, de donner des emballages en plastique à tout bout de champ qu'on retrouve, qui s'envolent, qui, etc. Donc voilà, essayez d'être très pratico-pratique pour engager les citoyens et engager aussi les collectivités, les États, et vraiment essayer d'avoir une action concrète. Et en Méditerranée, il y aura de la science aussi pour WWF? Alors, on continue bien sûr ce qu'on fait sur la baleine, et puis on va accueillir d'autres projets justement de recherche sur des prélèvements et des ramassages pour essayer de caractériser vraiment d'où viennent. En fait, ce qui est important, c'est de savoir, de comprendre dans un endroit donné, d'où ça vient, quel plastique on retrouve et comment ils se sont, comment ils se sont retrouvés là pour essayer de tarir la source en amont. Jean-François Guiguillen, on voit quand même à quel point cette problématique du plastique est mise en avant, hein, puisque ces grandes expéditions scientifiques y consacrent vraiment des missions très longues. Oui, on sent que la science a envie d'avancer sur cette question-là, parce qu'elle touche tout le monde en fait. Et du coup, c'est vraiment une demande au niveau gouvernemental. Ouais. Mais je voudrais revenir en fait encore une fois sur le lien qu'il peut y avoir entre les ONG, les scientifiques et les industriels aussi, qu'il faut pas mettre de côté évidemment, parce que même si c'est les méchants pollueurs au départ, quelque part c'est nous qui consommons. Et puis les scientifiques s'emparent du problème en disant il faut trouver de nouveaux plastiques aussi, il faut avancer sur ces problématiques-là et proposer en fait, innover pour créer des nouveaux plastiques. Parce que pendant toute l'émission, on a dit que le plastique était mauvais. Il y a quand même des applications du plastique qui sont forcément bonnes. Ce qu'il faut bien comprendre, en fait, c'est comme le disait Isabelle tout à l'heure, dans la production mondiale du plastique, il y a 40% d'emballage, 40% de plastique à usage unique. Ceux-là, on peut vraiment les éliminer. Donc c'est cela en fait qu'il faut rapidement éliminer et travailler avec les industriels pour faire des nouveaux plastiques. Alors Jean justement nous dit, au lieu de culpabiliser le consommateur comme le font vos invités, il vaudrait mieux réfléchir aux mesures contraignantes pour les entreprises. Je suis prêt à acheter des bouteilles d'eau en verre avec système de consigne. Aucune marque ne le propose aujourd'hui. C'est très rare en France, oui, malheureusement. Parce que ça demande une organisation et ça coûte cher. Mmh. Et aujourd'hui, tant que le plastique est beaucoup moins cher... et puis que finalement les industriels, c'est pas eux qui payent la casse entre guillemets, c'est éventuellement la sécurité sociale ou c'est évidemment c'est plus facile pour eux de pas s'intéresser à ces questions. Nathalie Gontard, les chimistes travaillent sur ces nouveaux plastiques actuellement, et ça veut dire quoi un nouveau plastique? Ça ressemble à quoi alors? Alors, en nouveau plastique, à l'INRA, nous militons pour boucler les cycles vers l'agriculture en utilisant le cycle naturel de la biodégradation et de la photosynthèse, parce que c'est quand même le plus bel exemple de recyclage et de recyclage parfait de matériaux. Et donc nous développons des matériaux mais qui sont vraiment biodégradables en conditions naturelles, parce que là aussi il y a beaucoup de choses qui sont dites et qui sont pas claires sur les bioplastiques. Et nous utilisons des ressources qui ne sont pas alimentaires, c'est-à-dire nous utilisons des résidus qui ne sont pas utilisés pour l'alimentation animale humaine pour fabriquer ces emballages. Ah oui. Et surtout très important aussi, nous travaillons à l'échelle internationale, européenne d'abord, donc je coordonne moi-même plusieurs projets européens, et à l'échelle internationale, et notamment avec la Chine, parce que les déchets ne s'arrêtent pas à nos frontières. Mmh. Et très important aussi, avoir une approche intégrée, c'est-à-dire impliquer tous les acteurs, donc on en a parlé de certains, hein, y compris les citoyens, les industriels. Ouais, ça on a bien compris, mais sur ces nouveaux plastiques, alors c'est quoi les pistes les plus prometteuses aujourd'hui? Alors actuellement nous développons des plastiques composites ou nous développons des biopolyesters qui s'appellent des polyhydroxyalkanoates, qui sont des polymères produits par des micro-organismes sur des déchets, sur des résidus, des effluents, comme des eaux de lavage, d'huilerie, etc. Par des bactéries, par exemple? Exactement. Ouais. Ce sont des bactéries qui les produisent, tout à fait. Ouais. Ouais, oui. Jean-François Guéglione? Oui, pour complémenter ça, en fait, on a développé en fait une petite société à Banyuls, à l'Observatoire, qui s'intéresse à la biodégradabilité et à la toxicité de ces nouveaux plastiques. Et effectivement, typiquement les PHA dont Nathalie vient de parler, eux, ils passent le test. Ils arrivent très très bien à se dégrader en milieu naturel. Par contre, tous les plastiques qui sont compostables, par exemple à base de PLA, ceux-là ne sont pas dégradables en mer. Ouais. Donc il faut vraiment faire attention au type de plastique qu'on va faire. Jacques et Janine nous disent, chez nous on se passe de plastique dès que c'est possible, au marché, au magasin bio, on achète dans nos propres boîtes ou sachets. La solution que nous pratiquons est alors la sobriété, nous n'achetons que ce dont nous avons besoin et c'est tout. Bon, bah on va essayer de prendre l'exemple sur eux. Ça lui coûte moins cher, je pense. Christine nous dit, que penser des substances plastiques minuscules qui se trouvent dans les cosmétiques? Rémi, le plastique est déjà présent à nos sources, l'agriculture et surtout la viticulture en utilise des tonnes sous forme de liens, de crochets, de manchons. Si on est attentif en visitant les vignobles, même bio, c'est absolument effrayant. Il y a énormément de questions des auditeurs. Alors je vais renvoyer évidemment tous ceux qui nous écoutent à cette journée du 27 mars sur France Inter. Une journée spéciale consacrée au plastique et on aura largement le temps de répondre à tous ces sujets. On peut lire le rapport du WWF, Isabelle Le Tissier. Bien sûr, il est téléchargeable. Merci beaucoup en tout cas à tous les trois d'être venus aujourd'hui dans Merci. La tête au carré. Rendez-vous donc le 27 mars avec une journée spéciale sur l'antenne. France Inter, santé polémique avec le docteur Dominique Dupagne. Attention, je vais piquer. Il n'est pas en plastique, mais en chair et en os. Dominique, bonjour. Bonjour Mathieu. Vous nous reparlez aujourd'hui de la vitamine D, mais au sujet de son effet préventif potentiel sur les cancers et les maladies cardiovasculaires. Oui, Mathieu, je vous ai parlé l'année dernière de la surprenante absence d'intérêt de la prise de vitamine D pour prévenir les fractures osseuses. Mais les défenseurs de la vitamine D continuent à prétendre qu'elle prévenait aussi de nombreuses maladies, dont les cancers, les infarctus et les accidents vasculaires cérébraux. Et c'est vrai ou pas? Comme souvent, la réponse nous vient des USA sous la forme de la publication dans le New England Journal of Medicine des résultats d'une gigantesque étude pilotée par l'université Harvard. C'est du lourd, c'est du sérieux. 25 000 sujets ont été répartis par tirage au sort en deux groupes. L'un prenant de la vitamine D et l'autre un placebo et suivi pendant 5 ans. Et pour quel résultat? Eh bien, pas de différence significative entre les deux groupes sur les critères primaires prévus dans le protocole, à savoir les cancers et les accidents cardiovasculaires. Donc, un résultat négatif amenant les auteurs à conclure logiquement, dans notre étude, la prise de fortes doses de vitamine D pendant 5 ans n'a pas réduit le risque de cancer ou d'accident cardiovasculaire. Alors, cette phrase est importante. Ils ne disent pas « la vitamine D ne réduit pas le risque de cancer ou d'infarctus », mais « la vitamine D n'a pas réduit ». Cet emploi du passé signifie qu'à l'avenir, une autre étude pourrait montrer le contraire, et c'est d'ailleurs plausible. Si on s'intéresse non plus au cancer apparu pendant les 5 ans de suivi, mais au décès par cancer, le risque diminue de 17% chez ceux qui prenaient 2000 unités de vitamine D par jour, et même de 25% si on ne s'intéresse qu'aux 3 dernières années de suivi. Alors malheureusement, ces 17% ne sont pas significatifs sur le plan statistique, car le risque pour que cette baisse observée dans l'étude soit liée au seul hasard est supérieur à 5%. 5%, c'est le seuil habituellement retenu pour considérer un résultat comme significatif. Mais personne ne peut dire ce qui serait advenu si l'étude avait duré 10, 15 ou 20 ans au lieu des 5 ans. Durée d'ailleurs qui se rapprocherait d'une utilisation réelle de supplément en vitamine D. Et cette réduction de mortalité par cancer de 17% en 5 ans aurait aussi bien pu progresser et atteindre par exemple 40% que rester identique, voire régresser. Donc, cette étude ne donne qu'un résultat mitigé qui ne prouve pas l'effet préventif d'un apport de vitamine D sur les cancers ou les infarctus, mais qui ne prouve pas non plus que cet effet n'existe pas. La science est parfois décevante, mais elle a souvent besoin de temps. J'espère que les sujets de cette étude continuent à être suivis et que nous aurons dans 5 ou 10 ans une réponse plus précise à cette question. En attendant, il paraît pas raisonnable de prendre de la vitamine D qui n'a rien à donner rien d'anodin quand on est un adulte bien portant. Même le dosage sanguin de la vitamine D est déconseillé, car il ne permet pas de savoir si on manque ou pas, le taux idéal variant beaucoup d'une personne à l'autre. Et on ne peut même pas recommander le brosage intensif à cause du terrible mélanome. Alors finalement, ne rien faire et ignorer le débat sur la vitamine D est peut-être actuellement la meilleure solution. Bon, sinon vous nous faites une chronique dans 5 ou 10 ans, Dominique. Hein, ou même avant, à mon avis. Pour avoir les nouveaux résultats. Merci beaucoup. À réécouter évidemment sur franceinter.fr. C'était Santé Polémique. Et merci à Elisabeth Collet qui était à la technique.